Chapitre 32e, le cadeau de Charlotte. Le même soir, Charlotte Mathis allait acheter son beurre chez Madame Buffle. Après l'avoir servi, Madame Buffle, toute petite femme au nez rouge et pointu, se croisa les bras sur le comptoir et approcha sa figure de celle de Charlotte. « Dites donc, savez-vous la nouvelle ?» lui dit-elle. « Marianne Cross va se marier avec Benjamin Tyrett. »« Vraiment ?» dit Charlotte. « Ils auraient mieux fait tous les deux d'attendre quelques années, afin de pouvoir mettre quelque chose de côté. »« Ce ne sont pas des gens de cette espèce-là, » répondit Madame Buffle. « Ces deux Cross et Caroline Mason sont les pires de Hanefer. Elles dépensent tout leur argent à leur toilette. » »« Les jeunes filles aiment bien les robes neuves, » dit Charlotte d'un air indifférent. Madame Buffle se mit à rire. « Vous parlez comme si vous étiez vieille. »« Ce qu'il me semble souvent que je le suis, Madame Buffle. Quand on reste comme Robert et moi sans ressources, avec un petit frère à élever, cela vous aide à être sérieux. » Tom, Elisa Tyrett entra brusquement. « Une demi-livre de saucisses, Madame Buffle. Et vite, il y a une scène chez les Mason. »« Une scène ?» répéta Madame Buffle, toujours habillée de cancan. « Est-ce qu'ils se querellent ?»« Ce n'est pas eux, c'est Caroline. » Henriette Mason a informé à clé Caroline toute l'après-midi. Marc vient de rentrer et lui a fait un tas d'histoires sur le compte de Caroline. Il est monté au Galta, il a ouvert la porte et il a menacé Caroline de la battre. Les voilà qui crient tous les trois dans la cuisine. « Qu'a donc fait Caroline ?» demanda Madame Buffle avec curiosité. « Peut-être que Charlotte pourra vous le dire, » fit Elisa. « Elle était souvent avec Caroline ces derniers temps. Moi, je ne m'en mêle pas. » Charlotte prit son beurre et lançant un regard sévère à la babillarde, elle quitta la boutique. Anthony Dare ne jouissait pas en effet d'une réputation de sainteté, et le seul fait que Caroline s'était permis de se promener avec lui aurait suffi pour nuire à la réputation de la jeune fille. Mieux valait, si possible, tenir la chose cachée aux oreilles de Madame Buffle et les autres commères. Comme Charlotte allait passer le seuil de sa porte, elle entendit derrière elle des pas précipités, une respiration haletante, et une femme passa près d'elle en courant. Charlotte la retint. « Caroline, où vas-tu ? Laisse-moi, Charlotte, laisse-moi » cria-t-elle, et les narines tendues, les yeux étincelants. « J'ai quitté leur maison pour toujours. Je vais vers quelqu'un qui me donnera une meilleure. » Charlotte la retint plus fort. « Tu ne le dois pas, Caroline. Je le veux » dit-elle d'un ton de défi. « Je me suis décidée ce soir. Est-ce que je veux me laisser insulter sans cause, me faire dire ce que je ne suis pas ? Non. Si quelque chose arrive, ce sont eux qui se le reprocheront, car ce sont eux qui m'efforcent. » Charlotte posa son beurre au milieu de la route. Il lui fallait toutes ses forces pour retenir la malheureuse. « Caroline, supplia-t-elle, c'est le moment le plus important de ta vie. Fais un pas en arrière, tu seras sauvée. Viens avec moi. » Caroline tourna sa figure pâle vers Charlotte. « Ne me retiens pas, Charlotte, bas de ton côté, je vais moi du mien, je ne veux pas que Marc et elle me tourmentent, me disent des sottises. Viens chez moi, Caroline, tu resteras cette nuit avec moi, tu ne retourneras pas vers Henriette. Mon lit n'est pas grand, mais nous pourrons bien y coucher ensemble. Je ne veux pas, je ne veux pas » répéta-t-elle en cherchant à se dégager. « Attends un instant, » implora Charlotte, « entre chez moi pour te calmer, tu es folle. » « Si je suis folle, ils en sont la cause. » Elle s'arracha brusquement à l'étrein de Charlotte et s'enfuit. Charlotte ramassa son beurre et courut chez elle. Ses frères étaient là. « Tom, soigne cela, » dit-elle au cadet. Puis elle ressortit. Au bout de Hanefer, il y avait deux routes. Laquelle Caroline avait-elle prise ? Charlotte choisit la droite, la plus retirée, et marcha devant elle pendant 20 minutes. Caroline avait pris l'autre. Dans une partie obscure du sentier, Caroline s'était réfugiée. Elle avait espéré trouver là quelqu'un, mais elle s'était trompée. Elle s'assit sur une pierre, et peu à peu, elle sentit sa colère s'apaiser. Une demi-heure plus tard, Charlotte la trouva causant avec Anthony Dare qui venait d'arriver. Elle la prit par le bras. « Caroline, viens avec moi. Qui êtes-vous et que venez-vous faire ici ?» s'écria Anthony Dare en se tournant brusquement vers Charlotte. « Je suis Charlotte Mathis, monsieur, si vous tenez à savoir mon nom, et je suis une amie de Caroline Mason. » « Je suis venu pour l'entraîner hors du mal. »« Il n'y a personne ici qui puisse lui faire du mal, » dit le jeune homme avec hauteur. « Mêlez-vous de vos affaires. »« Je crains au contraire qu'il y ait ici quelqu'un qui puisse lui faire du mal. »« Et c'est vous, monsieur, » répondit la brave Charlotte. « Les gens qui n'ont pas de mauvaise pensée n'attendent pas la nuit pour faire leur visite. »« Vous feriez beaucoup mieux de cesser de rôder par ici, monsieur Anthony Dare. »« Restez avec vos égaux. Cette femme est folle, fit Anthony dont la colère s'allumait. Comment osez-vous me parler de la sorte? Comment osez-vous, monsieur, vous mal conduire ici? Répliqua Charlotte. Allons, viens, Caroline, dit-elle à la jeune fille qui pleurait amèrement. Quant à vous, monsieur, si vous ne faites rien de mal, et s'il est nécessaire que vous condescendiez à visiter un FR, veuillez le faire en plein jour. Anthony Dare était furieux. Caroline, cria-t-il, ordonnez-lui de filer. Si je voyais un sergent de ville, je la ferais arrêter. Monsieur, si vous essayez de la retenir, j'appelle le premier passant. Je le prierai d'admirer le beau monsieur Anthony Dare et de lui demander ce qu'il vient faire ici tous les soirs. Comme Charlotte parlait, on entendit un bruit de pas et de messieurs passer en causant. La voix de l'un d'eux était familière à Anthony comme à Charlotte. La dernière poussa un cri de joie. « Voilà monsieur Ashley, monsieur. Lâchez-la ou je l'appelle. » Se voir découvert par monsieur Ashley n'aurait rien eu d'agréable pour Anthony. « Imbécile ! » criait-elle à Charlotte. « Quel mal croyez-vous que je fasse ? Faut-il que vous soyez drôle vous-même pour inventer de pareilles choses ? Adieu, Caroline. » Et tournant sur ses talons d'un air hautain, Anthony Dare reprit la direction de Helstonleigh. Charlotte, passant son bras autour de la jeune fille sanglotante mais soumise, l'emmena chez elle. Anthony alla droit au clos de Poméranie. Il se jeta sur un sofa, de fort mauvaise humeur. Lord Hawksley, tout occupé des romans d'Adélaïde, ne faisait aucune attention à lui. À la fin de la soirée, ils partirent ensemble, Anthony passant son bras sous celui de sa seigneurie. « J'ai obtenu 5 000 francs, lui dit-il d'un ton de confidence. J'aurai le billet demain. »« Qu'est-ce que 5 000 francs d'air ? » dit sa seigneurie d'un ton dédaigneux. « Ce n'est qu'une goutte d'eau. » Il était inutile d'en demander plus ce soir. Cela suffira pour arrêter les démarches actuelles. L'avenir s'arrangera peu à peu. Et les deux jeunes gens pressèrent le pas. Madame Dare avait regardé sa montre lorsqu'ils étaient partis. Il était 11h30, l'heure d'aller se coucher. Monsieur Dare se réveilla. Depuis une heure déjà, il sommeillait. La présence du jeune vicomte l'avait seul empêché de ronfler. « Où est Herbert ? » demanda-t-il en s'étirant. « Monsieur Herbert, expliqua Joseph, s'était fait servir à souper et est allé se coucher. » Tous les autres, sauf Adélaïde, s'étaient retirés depuis longtemps après avoir largement joui de tous les biens de cette vie. Les jeunes Halliburton, leurs cousins, avaient, avant de se livrer au repos, remercié Dieu de ses bienfaits, quoique ce jour, comme tous les autres, n'eût été pour eux que misère et privation. Depuis longtemps, les jeunes Dare avaient oublié les prières de leur enfance et leur apparition à l'église en grande toilette était leur seul acte de religion. Chacun des membres de la famille Dare alla donc se reposer, à l'exception du pauvre domestique Joseph, qui s'installa dans un grand fauteuil pour attendre le retour de M. Anthony. C'est ainsi qu'il passait presque toutes ses nuits. Tantôt M. Anthony rentrait au bout d'une heure, tantôt il ne revenait que lorsque le jour commençait à poindre. On déjeunait à 9h chez M. Dare, et toute la famille en général était exacte aux heures de repas. Le matin suivant, ils étaient tous réunis autour de la table, y compris Anthony, les yeux cerclés de rouge, quand la femme de chambre Anne entra. « Voici un paquet pour vous, monsieur Anthony. » Elle portait dans ses bras un gros paquet ficelé. Anthony le regarda avec surprise. « Ça, ce n'est pas pour moi. Un garçon l'a apporté en disant que c'était pour vous, monsieur, » répondit Anne en laissant le paquet tomber sur une chaise. « J'ai demandé s'il avait une réponse. Il m'a dit que non. » « C'est peut-être le ton tailleur, Anthony ?» dit Madame Dare. La suggestion offensa Anthony. « Mon tailleur m'envoyait un paquet fagoté de la sorte, » s'écria-t-il. « Je le lui conseillerais. Il n'aurait plus ma pratique. »« Quelle drôle d'adresse !» dit Julia, qui s'était levée avec curiosité. « Au jeune monsieur Anthony Dare, regardez donc !» Anthony se leva, tout le monde en fit autant, à l'exception de Monsieur Dare qui lisait son journal. Une heureuse pensée traversa l'esprit de Mina. « J'y suis !» s'écria-t-elle en frappant des mains. « Cyril et George jouent un tour à Anthony comme ils en ont joué à Mademoiselle Bennion. » Anthony, jurant intérieurement de châtier les deux gamins à leur retour du collège, prit son canif et coupa la ficelle. Le papier s'ouvrit et le contenu tomba par terre. Qu'est-ce que cela signifiait ? Une robe de femme aux couleurs voyantes, un châle, un mouchoir à franges, 2 paires de gants usés, une ceinture, un camé, et 2 ou 3 articles pareils se montrèrent au regard stupéfait. « Si jamais j'ai vu une semblable collection !» s'écria Madame Dare. « Mais ce sont des vêtements de femme. Pourquoi te les envoie-t-on, Anthony ? La joue d'Antonie s'était couverte de rougeur. « Est-ce que je le sais ?» répondit-il. « On me les aura adressées par erreur. Prenez ces guenilles, Anne !» En les repoussant du pied, « jetez-les au fumier. Qui sait de quel endroit infecté elles viennent ?» Madame Dare et ses filles poussèrent un cri de dégoût, serrèrent leurs jupes autour d'elles et s'écartèrent précipitamment, convaincus qu'un ennemi leur avait joué ce mauvais tour. Anne, ne tenant pas davantage à prendre quelque maladie, prit les pincettes, remit les objets dans le papier, poussa le paquet hors de la porte, appela Joseph et le chargea de porter ses haillons au réceptacle mentionné par M. Anthony. Charlotte Mathis avait pensé qu'il valait mieux ne pas faire les choses à moitié.